Assurance, je peux marcher. Jusqu'à ce que je t'ai. Oh. jusqu'à ce que je t'aime. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je t'aime, jusqu'à ce que je t'aime. Viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Ralentis le pas, viens près de moi, je te dévoilerai mes secrets. Recherche l'humilité. Cherche l'humilité, l'intimité, une vie complètement abandonnée. Mets tes mains dans mes mains, place tes pieds sur les miens et laisse-toi guider, transporter. Abandonné, pour toi est si grand et le sans fin. Oui, j'ai tout payé de ma vie pour toi. Je viens librement dans mes bras. Oui, viens près de moi. Ou viens près de moi. Oui, viens près de moi. Ou viens près de moi. Oui, viens près de moi. Ou viens près de moi. Plus de toi, nous voulons plus. à jamais. Et je m'écrirai partout où j'irai que sa bonté dure à jamais. Louez l'Éternel, car il est bon et sa bonté dure à jamais. Et je m'écrirai partout où j'irai que sa bonté. Inconnu des grands de la terre, quel est l'enfant qui est né ce soir que les pauvres ont voulu recevoir? Pour unir le ciel et la terre, il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit Il suffit d'un enfant. Jésus.